Le temps file déjà, la musique de l'Ouest canadien, et on va commencer ça, bien entendu, par une chanson souvenir. Hein, on fait ça depuis le début de l'année, dans le cadre des 25 ans de Canrock qui arrivera à la mi-octobre. Et avec grand plaisir, je vous offre aujourd'hui une chanson qui se retrouve sur une compilation Trait d'Union, Frolic Albertin. Et la dernière pièce, si je ne me trompe pas, c'est la dernière pièce de l'album. Ça s'appelle tout simplement La Chambre de paix. Et ça peut par une artiste que j'adore, Nathalie Bro, que j'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas si elle a continué dans le domaine ou pas. Si vous la connaissez, si oui, ben envoyez-moi ses coordonnées à canrockcdn@commercial.gmail.com. Très bonne chanson qu'elle a écrite, très belle mélodie, très entraînante et vraiment bien fait, bien produit. Et c'est La Chambre de paix. On va poursuivre par la suite avec deux nouveautés, celle de M. Paul Cournoyer qui vient de nous lancer son nouvel album, Le Détroit. Et sur cet album-là de 10 chansons, il y a plusieurs excellentes chansons, mais j'ai décidé de vous faire entendre le premier extrait, Sale Serpent de Paul Cournoyer. Et si vous ne vous le connaissez pas, vous voulez découvrir son univers, faites tout simplement le paulcournoyer.ca pour aller découvrir son univers. Et par la suite, on va entendre la nouveauté de Jeremy and the Delicious Hound qu'on peut découvrir au delicioushounds.bandcamp.com. Et la pièce, pas facile, toujours très énergique, très soul, vraiment très intéressant comme musique. Jeremy and the Delicious Hound. Mais pour l'instant, petit souvenir de Nathalie Bro. Voici Chambre de paix. Yeah. se montre les dents, à qui tu fais la grimace. Dans ton jardin d'Adam, as-tu si peur de perdre ta place? Ta langue de vipère précipite notre chute. Tu cries des refrains de guerre dans ton empire de pétrole brut. Va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, ça ne sert pas, ça ne sert pas, ça ne sert pas. Partout s'écoule ton venin. Sur toutes les tribunes, première page demain matin, tu voudrais forer la lune. Fais bouger ta langue, empoisonne les minutes. Fais de ton mieux pour qu'on t'entende dans ton empire de pétrole brut. Ce qu'on a gâché. Oh, oh, oh, oh. j'en perds une partie de moi. Facile de réparer un amour brisé. Ah non, ce n'est pas facile de retrouver ce qu'on a gâché. Ah non, ce n'est pas facile de retrouver un amour brisé. Ah non, ce n'est pas facile de retrouver ce qu'on a gâché. Jeremy and the Delicious Hound, un son soul Motown qui swing, qui brasse, qui est bien le fun, venant du Manitoba, Saint-Boniface, Winnipeg, cette région-là. Et bon, je sais que l'album est en production. Ça, c'est le premier extrait qu'on entend. Je pense que ça va arriver à l'automne. Donc, à suivre, bien sûr. Du moment que je ris ça, je partagerai avec grand plaisir parce que j'adore ce que Jeremy fait avec ses Delicious Hound. C'est vraiment bien fait, bien énergique, c'est bien le fun. Donc, bravo, bravo, bravo. On poursuit. Ben, avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter sur ma page Facebook de CanRock, CANROCK. À chaque semaine, je me promène sur Facebook et je regarde comme ça. Puis quand je trouve quelque chose d'intéressant sur la francophonie canadienne, je partage avec grand plaisir. Donc, allez faire un tour, vous allez sûrement découvrir des choses. Et c'est mon plaisir de le faire parce que je suis un passionné de la musique franco-canadienne. Et laissez-moi vous dire que la francophonie canadienne, elle existe pour le vrai. Et il se fait de l'excellente musique un peu partout, là, au Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, bref, name it. Il y a de l'excellente musique francophone qui se fait. Cela étant dit, je suis tombé justement hier sur un clip que j'ai partagé. C'est un clip de M. Raphaël Frenette. Je ne sais pas s'il travaille sur un prochain album ou quoi, mais c'est une version acoustique de la chanson « Je veille ». Très belle chanson de M. Raphaël Frenette, tirée de son album « Un monde à voir ». Et puis, je faisais souvent la farce, là, un monde à voir, c'est surtout un monde à entendre, parce que ce gars-là, il est talentueux, c'est un bon auteur, compositeur, interprète. On va justement l'entendre, je veille, dans quelques instants. Et on va terminer ça en souvenir, pourquoi pas, « Coucher de soleil, lever de lune » de Daniel Hébert, du Québec, mais qui est resté un bon bout de temps à Vancouver. Et là, je pense qu'elle est encore à Istanbul, encore, mais quand même, on va entendre sa musique. Mais pour l'instant, voici « Je veille » Raphaël Frenette. J'ai laissé la porte entrouverte. J'ai laissé une lumière allumée. J'ai laissé quelques pages blanches, elles n'avaient qu'à entrer. J'ai laissé de côté les mots. J'ai laissé tomber les murs. J'ai laissé mourir l'ego, même pas un. En attendant, je veille. En attendant, je veille. J'ai gardé nos vieilles lettres. J'ai gardé nos mélodies. Gardez le silence pendant que passait minuit. J'ai pris mon mal en patience. fait noir. Et je prie pour retrouver mon souffle, mes deux mains sur l'ivoire. En attendant, je veille. En attendant, je veille. Quand elle part flirter avec d'autres couches d'art, je l'appelle par son nom. Elle est si belle quand elle vient. Inspiration, inspiration. En attendant, je veille. En attendant, je veille. En attendant, je veille. En attendant. Tire-moi, sauve-moi. une gitane un peu folle. Amasse les fleurs tombées, t'essaies de leur redonner la entre deux vies, guerre, sida, pauvreté, indifférence. Peut-on chanter? Peut-on danser? Peut-on fêter? Peut-on aimer? Peut-on aimer? Et que j'adore cette chanson-là, hein, du bonbon pour les oreilles. Coucher de soleil, levé de lune, tiré de l'album 50-50 de Daniel Hébert, qui est sorti en quoi? En 97-98, je pense. Ça fait une bonne secousse. Et comme je vous dis, je pense qu'elle est toujours à Istanbul ou peut-être qu'elle est revenue au pays, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est une bonne auteure, compositrice, interprète, une femme très sympathique. Vraiment remarquable et elle écrit de belles chansons, donc ça me fait plaisir de faire tourner sa musique. Et c'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. J'espère que le choix musical vous a plu. Je tiens à remercier des gens qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Elisabeth de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes: CHMR, Saint-Jean, Terre-Neuve, Labrador, CKJM, Chétican, WFM 98, Halifax, CFAB, Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, CKMA, Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie, en Ontario. Envoi 91, Saint-Boniface, au Manitoba, CFRG, Gravelbourg, Saskatchewan, CILS, Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contact d'artistes francophones. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Le thème qui a commencé, j'ai 15 secondes pour vous dire une seule chose. Allez encourager vos artistes locaux, c'est important, ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. Je vous souhaite bonne semaine musicale, à la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne.